On écoute tous ensemble Histoire vivante. Très bon après-midi à vous. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special this evening, a recording for Blue Note Records. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Tout est venu des Caraïbes, le jazz est venu des Caraïbes, le rap, la salsa, tout ça c'est venu des Caraïbes. Le jazz, c'est une musique pour danser, c'est une musique populaire. Le blues, ça serait plus la musique de l'âme. Cette semaine, la Blue Note. I want to record for Blue Note. And of course, I told him yes. D'une renaissance à l'autre. Avoir le petit logo Blue Note sur son disque, pas beaucoup de musiciens de jazz qui refuseraient. Quelques histoires de jazz. The music, it's about collaboration and freedom. On est passé d'une écoute quasi audiophile de Chanifi à une écoute MP3 sur des smartphones avec des casques. Je ne suis pas du tout musicien, mais j'ai un cœur qui est sensible à ces musiques-là. Bruno Blum, vous êtes journaliste, librettiste, peintre, musicien, dessinateur, mais nous vous recevons aujourd'hui pour d'autres compétences, celles d'historien du jazz. Concernant les relations entre les communautés noires, blanches et métisses, quelle place et que contient le phénomène appelé Harlem Renaissance ? Pendant la guerre de 14, il y a eu des soldats afro-américains qui sont partis à la guerre en Europe. Alors ils n'avaient pas trop le droit de prendre l'avion, ils n'avaient pas le droit de piloter des avions, ils n'avaient pas forcément le droit d'apporter des armes, ils portaient plutôt les valises, hein. Mais enfin, ils ont participé à la guerre de 14. Et quand ils sont revenus aux États-Unis après la guerre, ils avaient une expérience très importante où ils s'étaient mélangés à des blancs, ils avaient obéi à leurs ordres, mais ils avaient aussi commandé à l'intérieur même de leur bataillon, etc. Donc il y avait une fierté, ils étaient battus pour la patrie, etc. Et quand on leur a dit « maintenant tu retournes dans ton ghetto et on va continuer à traiter comme un chien comme avant », ça passait encore moins qu'avant, puisque la ségrégation raciale avait un peu reculé, entre guillemets, grâce à la guerre, et qu'il y avait un sens, un orgueil qui était né de ça. Bon. Et on peut dire clairement qu'à partir de la fin de la guerre de 14, comme beaucoup de choses dans le monde d'ailleurs, les mentalités ont commencé un petit peu à bouger. Et il y a un leader historique noir installé à Harlem, qui était d'origine jamaïcaine, qui était un Jamaïcain, Marcus Garvey, qui est devenu un leader noir nationaliste, très très ancré dans la volonté de valoriser l'identité noire, jusque-là en permanence dévalorisée, qui disait « bah ouais, si Dieu m'a fait noir, c'est qu'il savait ce qu'il faisait, j'ai pas de raison de penser que c'est pas bien ou que c'est inférieur ou quoi ». Et il citait en permanence la Bible pour valoriser l'identité noire. Black men of Carthage, black men of Ethiopia, Timbuktu, Alexandria gave the light of civilization to this world. On avait aussi des auteurs comme Chester Himes et comme d'autres qui ont commencé à écrire des livres, à écrire des polars, à faire de l'art, des musiciens. Le jazz est arrivé à ce moment-là aussi, puisque le premier enregistrement de jazz date de 1917, le premier enregistrement de blues date de 1920. On a commencé à enregistrer des musiciens noirs. Quoique l'enregistrement des musiciens noirs, comme la musique entre guillemets noire elle-même, vient des Caraïbes. Elle vient de la Nouvelle-Orléans, elle vient du sud des États-Unis, elle vient de la mer des Caraïbes. Et les premiers enregistrements de musiciens noirs datent d'avant le jazz et d'avant le blues, puisqu'ils ont été réalisés aux Caraïbes par les disques Victor, notamment à la Trinité, dès le début des années 10. Et là, on trouve déjà du jazz, déjà des musiques où des juifs participent, déjà des musiques rythmées, qui étaient souvent enregistrées à New York, mais qui étaient réalisées par des musiciens de Trinidad. Love is Trinidad String Band en 1912. Bien, le premier enregistrement de jazz par le Original Dixieland Jazz Band en 1917, qui était d'ailleurs un groupe blanc venu de la Nouvelle-Orléans, ont été réalisés à New York. Et il y a des tas de choses qui se sont passées à New York qui ne pouvaient pas se passer à la Nouvelle-Orléans parce qu'il n'y a pas de studio. Et que même s'il y en avait eu un, je ne pense pas qu'ils auraient enregistré des Noirs. Mais les disques Victor avaient du matériel à la Trinité dès les débuts des années 10, et ils ont enregistré notamment un groupe vénézuélien en 1912, je crois, Et bon, moi j'ai quelques-uns de ces enregistrements-là. Il y a Lionel Benasco qui a enregistré à New York, il y a Sam Manning qui a enregistré à New York. C'est des musiciens qui venaient des Caraïbes et qui jouaient un mélange comme ça de jazz américain et de musique des Caraïbes et sud-américaine, qui étaient des orchestres de bal, qui étaient très bons, où il y avait des éléments, disons, qu'on appelait à l'époque du jazz. C'était de la musique noire, on s'embarrassait pas d'étiquettes à cette époque-là. Là, en ce moment, je suis en train de faire un travail sur les musiques juives d'Europe de l'Est, qui sont arrivées à New York pendant la période d'avant la guerre de 14. Et l'improvisation, telle qu'on imagine qu'elle a été apportée par le jazz, existait en fait dans les solos de clarinette et de violon du klezmer, qui était la musique juive d'Europe centrale, et qui a cohabité dans les ghettos noirs. Louis Armstrong a été adopté par une famille juive lituanienne. On peut supposer que la coexistence entre le jazz et le klezmer, donc juif d'Europe de l'Est, des communautés de New York, mais aussi de la Nouvelle-Orléans, parce qu'il y en avait beaucoup justement à la Nouvelle-Orléans, on peut imaginer que ça a eu une influence très importante sur des clarinettistes comme Johnny Dodd, qui était le premier grand clarinettiste de jazz sans doute, et qui a joué avec Louis Armstrong, Earl Hines et les plus grands de cette époque-là, des années 10, des années 20. Que sait-on, Bruno Blum, des conditions d'enregistrement ? Je rappelle d'abord que le principe de l'enregistrement... L'homme au chien. ...a existé dès le milieu du 19e siècle. Il y a un type dont j'ai oublié le nom qui faisait des enregistrements avec de la bougie. Donc il passait un rouleau de papier sur une bougie qui faisait des traces, parce que la musique faisait bouger la flamme, et la flamme marquait du noir sur le papier qui défilait. Et on a pu lire ces enregistrements-là il y a quelques années grâce à un système informatique. Enregistrement réalisé en 1860 par Édouard Léon Martinville. Puis ensuite, il y a eu Charles Cros qui a invité le principe du tourne-disque, mais il s'est fait piquer le brevet par un Américain. Et Thomas Edison a lancé les rouleaux, enregistrés sur des rouleaux, avec une pointe qui gravait des sillons sur des rouleaux qui tournaient comme ça, et la pointe avançait, et on pouvait ensuite lire le rouleau. Et puis, c'était en opposition avec un procédé plus européen, il y avait énormément de marques de disques, qui étaient le disque. Et puis, il y en a eu un petit peu aux États-Unis, et finalement, c'est le disque qui a gagné, et Edison qui a perdu. Avant les rouleaux, on a des témoignages de piano mécanique, qui étaient des systèmes de rouleaux de papier avec des trous dedans. Et en tournant la manivelle, on pouvait les touches, quand elles arrivaient, il y avait un mécanisme qui faisait, quand il y avait un trou, ça faisait glong sur la touche. Alors, ça manquait de dynamique, on ne pouvait pas jouer fort, et puis ensuite pas fort, c'était toujours la même amplitude de son, hein. C'était un mécanique. Mais on retrouve du ragtime, on retrouve Scott Joplin en 1899 sur des pianos mécaniques, c'est magnifique, et c'est l'explosion des musiques noires, puisque déjà il y a le rythme, déjà il y a cette excitation qui était portée par la musique. Il y a des tas de choses qui existent, aujourd'hui il y en a beaucoup qui ne sont pas rééditées, qui n'ont pas été restaurées. Une des gloires de Frémaux, c'est d'avoir financé la restauration d'un grand nombre de 78 tours. Mais il existe aussi un grand nombre de disques de vinyle, quand même de meilleure qualité, qui valent aussi le coup qu'on se penche sur eux, notamment aux Caraïbes et ailleurs. Maintenant, bien souvent, ce qui manque, ce n'est pas la restauration des enregistrements, mais c'est d'y apporter du sens, et c'est ce que j'essaye de faire avec mon travail, c'est-à-dire de dire, ben oui, ça c'est un morceau qui vient de tel endroit, qui a été fait dans tel esprit, qui raconte ça, éditorialiser tout ça, organiser tout ça de façon à raconter une histoire avec un CD. Tout ça a un sens, et si vous ne le racontez pas, vous n'appréciez pas la musique autant que vous pourriez l'apprécier si vous la ressentiez, parce que on vous a informé sur son contenu. Et je crois que ça, c'est vraiment essentiel, et c'est malheureusement ce qui est en train de disparaître, même si certains sites internet aujourd'hui commencent à essayer de faire ça. Moi, je pense que les coffrets Frémaux que je fais, mais aussi que Jean Buzelin ou d'autres musicologues réalisent pour Frémaux, dans 50 ans, les gens se les arracheront. Ce seront des pièces de musée, ce seront des documents qui racontent l'histoire d'une musique qui aura complètement disparu. Ça n'a pas de prix. Peut-être plus largement, Bruno Blum, peut-on dire que, d'une certaine manière, dans les études musicologiques, L'ethnomusicologie reste encore celle qui est au fond de la classe, à côté du radiateur, et un peu sous-considérée, même si les choses ont forcément évolué. Mais c'est quand même quelque chose que l'on regarde, ou que les musicologues classiques, institutionnels, regardent avec encore pas mal de défiance, ou un mépris indifférent, de condescendance. Le mot serait sans doute plus juste. D'abord, qu'est-ce que l'ethnomusicologie ? C'est l'étude des communautés humaines à travers leur musique. Qu'est-ce que nous dit la musique d'une communauté humaine comme les Dogons, ou les Rastas, ou les Juifs de la Nouvelle-Orléans ? La musique populaire, et pas forcément seulement la musique populaire, toutes les musiques peuvent nous dire. Et en général, tout ça coexiste, et nous dresse un portrait d'une société, bien mieux souvent, que tous les autres éléments dont on peut disposer. La musique... Pourquoi vous dites mieux ? Parce qu'on n'avait pas forcément d'écrit, on n'avait pas forcément de photographie, n'est pas forcément grand-chose, mais souvent, la musique a été transmise de façon orale et a pu restituer. Par exemple, dans le coffret Color Line, on a une chanson d'esclave qui a été enseignée par une esclave, c'était pendant la guerre de sécession, vers 1860, par là. Une personne centenaire a enseigné une chanson à une gamine de 12 ans qui a retenu cette chanson et qui l'a enregistrée quand elle était âgée, dans les années 30 ou 40 au XXe siècle. Take a dad and drew his wings. Et cette chanson est arrivée jusqu'à nous alors qu'elle a 200 ans. Il y a 200 ans, on n'avait pas de photos, il n'y a rien. My name is written on David line, on David line. Yes, my name is written on David line. I'm going to heaven on the wheel of time. Adam and Eve, do, do. Adam and Eve, don't tell it to me. Meet me at the door, don't tell it to me. It's all so long, no, on so long to me. Oh, when I get to heaven, I know they... Bessie Jones and Group, Turkle Dove. Take a dad and drew his wings. Alors qu'une chanson pouvait être transmise oralement, comme c'est la tradition en Afrique, et on retrouve plein d'exemples de ça, notamment dans les chants rituels chrétiens des communautés noires de Sea Island, dont j'ai réédité, qui sont absolument magnifiques, où ce sont des chants religieux, des chants chrétiens, qui ont été transmis comme ça de bouche à oreille, et qui nous viennent du fond du 19e siècle. Et si on n'avait pas ça, on n'aurait pas une idée de ce que pouvait être la musique religieuse noire de cette époque-là. They tangle down and drew his wings, and he drew his wings. Je crois que quand vous écoutez des musiques, ce qui vous touche d'abord, c'est l'émotion qu'elle procure, c'est l'émotion qu'elle transmet, et cette émotion a la particularité d'être quelque chose que nous partageons, nous les humains, d'où que ça vienne, nous allons entendre l'émotion. La musique a la particularité d'être une langue comprise de tout le monde. D'ailleurs, il n'y a pas que les humains qui comprennent ça. Aujourd'hui, les chimpanzés vont sur Instagram et comprennent tout de suite comment ça marche, et regardent des images qui les intéressent, et sont sensibles aux musiques des humains, de la même manière certainement que nous sommes sensibles au chant des oiseaux ou à d'autres expressions orales, comme le chant des baleines ou ce que vous voudrez. Bon. Et j'aimerais beaucoup d'ailleurs, dans le cadre de cet entretien, élargir le sujet aux animaux, dont aujourd'hui on voit bien qu'ils sont... un des grands débats de société auxquels je m'intéresse beaucoup, et qui montre que le regard qu'on a sur les animaux, ou qu'on avait peut-être, ce regard évolue, ce regard-là de condescendance est exactement la même condescendance que celle qu'on avait il y a un siècle pour les Noirs, et que ça ne tient pas debout. Les animaux sont très sensibles, très intelligents, ils communiquent, et la façon dont on les traite aujourd'hui dans la société est en train d'être remis en question, et c'est le grand sujet social du XXe siècle, puisque la disparition notamment des espèces est quelque chose qui menace notre propre existence. Je voudrais peut-être d'ailleurs, en échange de ce que vous venez de dire, indiquer aux auditeurs de trouver un vinyle ou un CD, s'il existe encore. En tout cas, il est possible de le trouver, je crois, sur le net. Il s'agit de l'Opéra du Cameroun, qui a été réalisé en son temps par un formidable réalisateur radio, preneur de son et réalisateur radio, José Pivin, qui a réalisé avec l'Opéra du Cameroun un objet sonore tout à fait singulier, qui commence ainsi. Imaginez, vous trouvez vos micros au-dessus des arbres ou au niveau des arbres et d'entendre le chant des oiseaux environnants. jusqu'à faire une sorte de bascule en direction des habitats et donc en direction des humains. Et on s'interroge quand on entend ce passage-là, car on se demande, et c'est ce que nous propose José Pivin sans l'écrire, mais il nous le fait sentir, à quel point la langue des humains a pu être construite en fonction de l'univers sonore et notamment des oiseaux qui les environnaient. Bruno Blum, journaliste. Bon, si vous prenez par exemple les chants des pygmées, il y en a qui sont particulièrement remarquables et on voit que la musique qu'ils chantaient, donc, puisqu'ils n'avaient pas d'instrument de musique, était toujours en osmose avec le chant de la jungle. C'est-à-dire, vous avez un chant qui fait dans la jungle, ça fait... Il y a un rythme comme ça. Et les pygmées, ils rentraient dans ce rythme-là. Et il y en a un qui faisait « Ouh, aïe !» Et puis l'autre qui faisait « Aïe !» qui répondait. Et puis alors, donc, ça donne « Ouh, aïe !»« Aïe !»« Ouh, aïe !» Et puis il y en a un troisième qui rentre. Et ils mélangeaient ça comme ça. Et petit à petit, il y en avait 10, 20, 30 qui rentraient. Puis le premier arrêtait. Puis le deuxième arrêtait. Et on était dans une évolution comme ça, où il y a des rythmes de voix comme ça qui se succèdent, un peu comme la musique de Terry Riley, un peu comme les musiques répétitives. Il y a ce truc qui se passe, et puis de petit à petit, ils avancent comme ça vers l'improvisation, et chacun participe avec son idée, avec son feeling, avec son intuition, avec son... Bon. Et ces musiques-là, qui sont la base des musiques humaines, très vraisemblablement, donc ancré dans le chant des grillons, dans le chant des oiseaux, dans le chant des insectes, des grenouilles, des crapauds, qui nous rappellent d'où on vient, quelle est notre véritable humanité. Ce chant-là a évolué vers des chants animistes, vers des chants rituels, qui existaient et existent encore en Afrique, qui ont été beaucoup influencés au fil des trois derniers siècles par les musiques chrétiennes et par les thématiques chrétiennes, notamment l'Ancien Testament, puisque les Afro-Américains imprégnés de ces rituels animistes que l'on retrouve à Cuba, que l'on retrouve en Jamaïque, que l'on retrouve dans tous ces pays-là, avec leur phénomène de transe qui permettent de rentrer en contact avec les esprits, qui vous parlent pendant la transe, et dont les adeptes expriment ce que les esprits leur disent à travers leur chant dans les transes, et je pense que l'improvisation du jazz est beaucoup venue de là, et elle n'est pas très différente de l'improvisation des chants pygmées. Alors, ces musiques animistes se sont mélangées avec les musiques irlandaises, avec les musiques juives, avec les musiques françaises, espagnoles, selon les lieux. Si c'est à Saint-Domingue, c'est plutôt espagnol. Si c'est à Haïti, c'est plutôt français. Bon, alors, il y a plein d'exemples de ça. J'ai fait un coffret sur la musique haïtienne où on entend très bien que les musiques françaises et européennes, comme la polka, par exemple, tout à coup, ils mettent un tambour là-dessus, ils retournent le rythme, et ça devient de la musique haïtienne, ça devient de la meringue. Bon, on pourrait parler ça très longtemps, mais je pense que les musiques animistes sont donc arrivées aux Amériques et qu'elles ont été interdites. Tout ce qui ressemblait à un élément africain était interdit. Censuré. Les fringues, la cuisine, les langues, bien sûr, les dieux, tout ce qui était africain était strictement interdit sous peine de punition très très violente. Il y a des endroits où ça a quand même perduré, notamment la Nouvelle-Orléans, puisque les catholiques permettaient aux esclaves de s'exprimer le dimanche. Et qu'il y a une tradition comme ça, je rappelle que la Nouvelle-Orléans c'était espagnol, et que dans la tradition espagnole, on autorisait les esclaves à avoir une sorte de maison de la culture. Il y avait ça à Séville avant que les Espagnols partent en Amérique, et les premiers esclaves africains à Séville avaient une maison où ils pouvaient pratiquer leurs rites, où ils pouvaient chanter, faire leur musique, mais il ne fallait pas qu'ils le fassent en dehors de là. Et on retrouve ça à Cuba de manière très très forte, on retrouve ça à Saint-Domingue, on retrouve ça en Amérique du Sud, et pas du tout dans les colonies anglophones. Ces éléments-là ont donc perduré d'une manière ou d'une autre, mais beaucoup aux Caraïbes. C'est pour ça que j'insiste sur l'importance des Caraïbes, parce qu'après, c'est revenu en Amérique. Et la Nouvelle-Orléans fait partie des Caraïbes culturellement. Et c'est la Nouvelle-Orléans qui a transmis tout ce bagage. Alors moi, là où je veux en venir, c'est que dans l'esclavage, les esclaves avaient le droit de chanter pendant les récoltes, de coton notamment. Et donc, il y avait une espèce de rythme comme ça qui se créait parmi les esclaves qui chantaient. Et on retrouve ces rythmes, enfin, dans les années 30, dans les pénitenciers avec les travaux forcés. Et donc, dans le, coffret de Colorline, on retrouve des enregistrements authentiques de pénitenciers où on voit bien que ce rythme créé par la houe, par les pelles, par les pioches, ils chantent comme ça, il y a quelqu'un qui chante, puis une réponse des prisonniers, et ça crée un rythme, un va-et-vient, un aller-retour comme ça, qui est très très proche des chants animistes et des chants traditionnels, pygmées ou autres, ou bantous, et qu'on retrouve ça en toute l'Afrique de l'Ouest. Hein. Vingt-deux esclaves condamnés à perpétuité au pénitencier d'Angola en Louisiane, 1948. Alors, de ces champs de travail, on a concomitamment des rituels chrétiens, puisqu'il est interdit d'être animiste. Donc on était chrétien. D'ailleurs, bien souvent, à Haïti comme ailleurs, j'ai fait un coffret là-dessus qui s'appelle Voodoo in America chez Frémo. On voit bien que l'animisme est très présent dans toutes les musiques afro-américaines. Simplement, c'est à mots couverts. On ne dit pas « ouais, je fais du vaudou ». On utilise des mots un petit peu... Alors, il faut être initié, un petit peu comme moi. Donc, j'ai fait le coffret qui explique ça et qui montre que ces musiques que vous connaissez certainement, des grands classiques du blues, du jazz, parlent à mots couverts d'éléments animistes. Et de Billie Holiday à Bo Diddley, en passant par des artistes blancs qui peut-être ne savaient même pas qui parlaient de ça, on retrouve ces éléments animistes dans la culture américaine. Day in, day out. The same old hoodoo follows me about. The same old pounding in my heart whenever I think of you. And darling, I think of you day in and day out. Billie Holiday. When there it is, day in, day out. Day in, day out. Donc c'est venu des Caraïbes et avant ça d'Afrique, mais ça s'est cristallisé aux Caraïbes. Ces rituels sont devenus chrétiens. À Haïti, on a plein d'exemples de ça avec des chansons sur les saints chrétiens, catholiques, comme par exemple Sainte Barbe, qui est la déesse du feu, de la poudre. Hein, là, c'était la Sainte Barbe, c'était dans les voiliers, la Sainte Barbe, c'est là qu'on mettait la poudre. C'était la pièce où on mettait la poudre et les fusils. Santa Barbara, Sainte Barbe, est chantée par Celia Cruz. Santa Barbara bendita, para ti surge mi lira. Santa Barbara bendita, para ti surge mi lira. Y con emoción se inspira ante tu imagen bonita. Puisque c'est une déesse chrétienne, mais dans les paroles de la chanson, elle ne parle que des dieux Yoruba, qui ont d'autres noms, mais qui sont les mêmes, ou pas forcément les mêmes, que les dieux chrétiens. Donc il y a une façade comme ça, chrétienne, mais derrière ça, on sait bien que dans les spirituels du 19e siècle, le contenu des paroles était des chants de libération, mais à mots couverts. Alors on pouvait chanter Jésus, on pouvait chanter l'Ancien Testament, ça c'était autorisé. Mais quand les Afro-Américains du 20e siècle chantaient l'Ancien Testament, ils se référaient à des éléments de l'esclavage des Juifs qui ont été dans la Bible. La première référence à l'esclavage, ce sont les Juifs kidnappés et déportés à Babylone. Et il y a plein d'histoires sur ça qu'ils ont repris à leur compte et qui deviennent dans les chants des spirituals noirs, qui ne sont pas les mêmes que les spirituals, que les cantiques blancs, parce que la musique est différente, mais le contenu, c'est aussi la Bible. Alors, ils se sont identifiés aux Juifs, ils se sont identifiés à l'esclavage, ils se sont identifiés beaucoup à l'histoire de Moïse. Et si vous écoutez, par exemple, des chansons de spirituals, bien souvent, le personnage est Moïse. Vous avez une dame qui s'appelait, comment elle s'appelait, Harriet, son nom m'échappe. Elle a consacré sa vie à libérer des esclaves. Elle chantait des spirituals qui avait pour sens, attention, le moment de l'évasion arrive, oui. On va s'évader cette nuit, et voici le chemin que vous allez prendre, et vous allez pouvoir prendre le train, le fameux Underground Railroad, le Midnight Special, et à minuit, vous allez sauter dans le train, et vous allez passer l'Ohio, et vous allez arriver au nord, et là vous serez libre. Bon, on l'appelait Moïse. Moses. Death no more shall make you fear. Grief no sorrow, pain no anguish. Harriet Tubman. Shall no more distress you, death. Marcus Garvey, le grand leader panafricain des années 20, avant d'être brisé, s'appelait Marcus Moses Garvey. We love humanity. Et donc ces personnages libérateurs sont identifiés aux personnages de Moïse, et dans les spirituels, ça c'est très très présent. Le gospel, c'est une codification de tout ça en chansons pop, à partir des années 30, plutôt que ce soit des musiques traditionnelles, à moitié improvisées, bricolées dans les villages, etc. C'est un type qui arrive... On sophistique. Moi, je suis un musicien de jazz, je suis un musicien de blues, je chante bien, je joue du piano, et je vais vous faire des chansons, je vais les publier sur des partitions, et je vais les diffuser dans toutes les églises, et tout le monde va chanter ma chanson, qui sont, bien sûr, des messages bibliques. Mais c'est de la pop-song. Donc le gospel, ça n'est qu'une codification, qu'une pop-song venue des spirituels, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais... bien sûr, beaucoup de chanteurs de gospel ou de grandes chanteuses comme Mahalia Jackson, qui était absolument sublime et dont Frémo a réédité l'intégrale dans les années 50, c'était la grande vedette du gospel. Elle chantait aussi des spirituels anciens et des chants d'esclaves. Bruno Blum, merci de cette visite au micro d'Histoire Vivante. Profitez-en pour faire un peu de promo. Redonnez-nous donc le titre de votre dernier ouvrage, ou de vos derniers ouvrages. Mais enfin, vous êtes obligé de faire vite parce que là, votre temps est compté. Écoutez, j'ai publié beaucoup de livres. Je vous recommande le livret Frémo que j'ai fait, et puisqu'ils sont accompagnés par la musique. Là, je vais m'attaquer à l'histoire de la musique des Caraïbes, 800 pages, qui va être un condensé de mes livrets pour Frémo, puisque je dirige la collection Caraïbes là-bas. Et pour la première fois, on aura une vraie histoire de la musique des Caraïbes, ce qui n'existe pas à ce jour. Mais ça correspond à ma collection Caraïbes chez Frémo, donc de Trinidad aux îles Vierges, en passant par Cuba, la Jamaïque, Haïti et ailleurs. Vous avez l'histoire des premières musiques qui ont été enregistrées aux Caraïbes, et qui sont très significatives, qui sont absolument géniales. Par ailleurs, je viens de sortir un album qui s'appelle Rock'n'Roll Comics et qui raconte mes aventures de jeune dessinateur parti à Londres à l'aventure et qui s'est retrouvé du jour au lendemain dans le monde du rock punk qui décollait à ce moment-là. J'ai monté un groupe punk, j'ai quitté le studio de dessin animé pour lequel je travaillais et je suis devenu correspondant à Londres du journal Best, qui était le grand magazine rock de l'époque avec Rock et Folk. Et j'ai connu vraiment un très grand nombre de grandes stars du rock, puisque j'ai collaboré, disais-je, avec le Clash, les Rolling Stones, j'ai lancé les Stray Cats, j'ai lancé Motorhead en France, enfin, et les lecteurs de Suisse romande connaissaient certainement Best à cette époque-là. Donc j'ai été baigné là-dedans, et c'était une époque très intense pour moi, parce que j'avais 20 ans, et que Best était extrêmement lu. Et je publiais aussi mes photos et mes dessins dans Best. Et là, je viens de sortir Rock'n'Roll Comics, qui regroupe tous ces dessins, toutes ces bandes dessinées, notamment une avec Motorhead, que j'avais fait avec Motorhead, avec qui j'étais très, très ami. N'oubliez pas de mentionner l'éditeur. Alors, ce sont les éditions Tortamudo, et je crois que je m'en tiendrai là. Merci encore une fois de votre visite. Tous les titres ou coffrets évoqués dans cette émission sont disponibles sur frémo.com. Ladies and gentlemen,